Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes dans la matinale. Je m'excuse mais j'ai presque plus de voix ce matin, on va essayer de faire l'émission ensemble. Nous sommes le mercredi 25 septembre, nous souhaitons une bonne fête au Herman. Le dicton du jour nous dit pluie de septembre, joie du paysan. Alors le paysan va être heureux hein, puisqu'aujourd'hui on va passer la journée sous la pluie. Par contre les enfants vont l'être un petit peu moins, notamment pour aller à la fête foraine d'Épinal, on en parle tout à l'heure. Dans les célébrations internationales, aujourd'hui en France, c'est la journée nationale d'hommage aux harkis et aux autres membres des formations supplétives des armées françaises. Et dans les événements qui se sont déroulés un 25 septembre, en 1513, Vasco Núñez de Balboa découvrait l'océan Pacifique et en 1980 avait lieu le dernier concert de Bob Marley. On parle des événements de la région et l'IA va nous présenter un événement, c'est l'élection de Super Mamie. On écoute l'IA tout de suite. Et aujourd'hui avec nous une invitée un petit peu particulière, Céline, membre du comité Super Mamie. Céline, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Eh ben ça va super. Alors on parle de quelque chose d'incroyable hein. J'en avais déjà entendu vaguement parler, mais là on se plonge dans le vif du sujet. C'est bientôt la 24e élection des Super Mamies, c'est ça? C'est tout à fait ça. Nous commençons tout juste notre 24e Tour de France. Incroyable, incroyable. Alors ça se passera le dimanche 6 octobre à 14h30 au casino de Bourbonne-les-Bains. Mais avant, il faut des candidates. Et aujourd'hui, c'est un petit appel original que vous nous faites. Je vous laisse nous expliquer tout ça. Voilà, donc nous sommes à l'heure actuelle en recherche de candidates vosgiennes pour cette élection de la Super Mamie des trois provinces. Donc une Super Mamie, qu'est-ce que c'est? Donc une Super Mamie, c'est une personne qui a des petits-enfants, bien entendu. Oui. Qui est dynamique, qui s'investit dans des associations. Donc je suis sûre que les Super Mamies, vous en connaissez toutes. C'est sûr. Voilà. Et le but donc de cette élection est de mettre à l'honneur les mamies qui sont très souvent au centre de la famille. Eh ben oui, c'est un très très bel hommage rendu à ces femmes. Voilà, ça a été la volonté de la présidente du comité, Fabienne Ollier, quand elle a créé ce comité Super Mamie. Ça a vraiment été de mettre à l'honneur ces femmes extraordinaires que sont les mamies. C'est super. Est-ce qu'on peut savoir l'âge requis des participantes, s'il y en a un? Alors, pas il du n'y a tout. Absolument aucun critère d'âge. Nous avons, nous avons, sur mesure des journées, des mamies qui vont de 38 à 90 ans. D'accord. Alors, comment ça se déroule un petit peu, une élection de Super Mamie, en quelques mots? Alors, une élection de Super Mamie, ça se déroule en trois séquences. Donc, il y a une première séquence où un enfant va présenter le parcours de vie de sa maman. D'accord. Et c'est une séquence, qui reste une surprise pour la mamie, pour le jour J. Donc en fait, elle n'en connaît pas le contenu. C'est génial. La deuxième séquence, c'est un petit enfant qui rend hommage à sa mamie. Et là, c'est pareil, encore une fois, c'est une surprise. Donc c'est les deux plus beaux cadeaux que va recevoir la mamie pour ce jour-là. Que ce sont des témoignages qui souvent mettent la larme à... Eh ben oui, ça doit être très très émouvant. Et donc, la troisième séquence, c'est la mamie qui met en avant une de ses passions sur scène. D'accord. Donc là, on rencontre des mamies dynamiques, des mamies pleines de vie, qui font plein de choses dans leur quotidien. Voilà, qui sont très actives dans des associations. Et qui passe un super après-midi hors du temps, original, ça change. Mais oui. On ne le vit pas tous les jours, on le vit une fois dans sa vie. Et en plus, nous avons la chance cette année d'avoir en seconde partie donc un tour de chant et d'imitation de Sophie Darel. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment un événement très festif, j'imagine, ce concours de Super. Voilà, festif et plein d'émotions, c'est tout un ensemble de choses. Donc on passe de la petite larme à l'œil d'émotion, aux éclats de rire, à la chanson, c'est une après-midi complète. Comment ça se passe pour être sélectionné? Donc il suffit de me contacter, donc je vais vous donner le numéro de téléphone, c'est le 06 80 30 90 08, et donc vous tomberez directement sur moi, Céline. D'accord, c'est quoi les critères pour avoir la chance de participer à ce concours Super Mamie? Comment on choisit? Comment on choisit? Si on peut le dire. C'est les qualités de cœur. Oui. Voilà, l'essentiel, c'est le cœur. Je vous remercie beaucoup, c'est Céline. C'est moi qui vous remercie. On n'oublie pas donc que ce dimanche 6 octobre à 14h30 au casino de Bourbonne-les-Bains aura lieu cette élection de Super Mamie et que vous pouvez participer ou faire participer votre mamie parce qu'on peut inscrire sa mamie. Tout à fait, et nous, c'est presque les candidatures que l'on préfère, puisque ce sont les petits-enfants qui ont envie de mettre à l'honneur leur mamie, et c'est vraiment l'idée de base de cette élection. Et ne pas oublier aussi que ce spectacle est gratuit. Ah, ça donc c'est pour très les personnes important. Qui veulent y assister, c'est un spectacle qui est gratuit. J'ai oublié un sujet très important, comment ça se passe une fois qu'on est élu super mamie? Alors une fois que nous sommes élus super mamie, donc le principal lien est la participation à l'élection finale de la super mamie France. Oui. Qui aura lieu au mois de mai dans la Nièvre. D'accord. Et le 31 mai. Et là, ce sont 5 jours de préparation pour cette élection finale. Super. Où toutes les candidates de toute la France se retrouvent. Waouh, pour partager. Et deviennent amies. Eh ben oui. Merci beaucoup Céline d'avoir fait confiance à Radio Guémozo pour trouver peut-être cette super mamie vosgienne. Nous voulons des vosgiennes. Eh ben voilà. Merci beaucoup et puis de très belles choses à venir. Merci à vous, bonne journée. Merci Lia pour la présentation donc de l'élection de Super Mamie. Et tout de suite on marque notre première pause musicale avec Zucchero et le titre Baila Morena. Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby. We'll be right back. Zucchero sur RGM, un peu plus de 8h40, je peux même presque dire 8h41. On fait un point sur tous ceux qui sont nés un 25 septembre 1943, naissance de Lee Hacker, acteur américain qui incarnait le jeune caporal Rusty dans la série télé Rintintin. 1944, naissance de Michael Douglas, acteur producteur américain vu à la poursuite du diamant vert et le diamant du Nil dans le rôle de Jack T. Colton. Wall Street dans le rôle de Gordon Gekko, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur et vu en 2010 dans la suite Wall Street, l'argent ne dort jamais. Vu également dans Basic Instinct, dans le rôle du détective Nick Curran. Trafic, et espion mais pas trop. Ant-Man et la guêpe, dans le rôle du docteur Hank Pym, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans Avengers Endgame. Vu à la télévision dans les rues de San Francisco, dans le rôle de l'inspecteur Steve Keller, producteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou, récompensé par l'Oscar du meilleur film, à la poursuite du diamant vert et le diamant du Nil. 1950, naissance de Philippe Pétieux, acteur de doublage français connu pour interpréter la voix d'Homer Simpson dans la version française de la série animée Les Simpsons. 1951, naissance de Mark Hamill, acteur américain, connu pour son rôle de Luke Skywalker dans Star Wars 4, 5, 6, 7, 8 et dans le 9e volet qui sortira à la fin de l'année. Vu également dans Le Village des damnés et à la télévision dans les séries Chuck, Esprit criminel ou encore Flash. 1955, naissance de Zucchero, chanteur italien. 1957, naissance de Michael Madsen, acteur américain vu dans War Games, Thelma et Louise dans le rôle de Jimmy, Reservoir Dogs dans le rôle de Vic Vega, Sauver Willy 1 et 2 dans le rôle de Glenn Greenwood, Guet-apens, La Mutante, Kill Bill volume 1 et 2 dans le rôle de Bud, Les 8 salopards, à ce moment à l'affiche du film Once Upon a Time in Hollywood dans le rôle du shérif Hackett. Vu à la télévision dans les séries 24 heures chrono, Blue Bloods ou encore Hawaii 5-0. 1961, naissance d'Heather Locklear, actrice américaine connue pour son rôle de Sammy Jo Carrington dans la série Dynasty, son rôle de l'officier Stacy Sheridan dans Hooker, Amanda Woodward dans Melrose Place et Melrose Place Nouvelle Génération, la série Lax dans le rôle d'Harley Rondon, Franklin et Bash, producteur de Melrose Place, enfin coproductrice et productrice de la série Lax. 1965, naissance d'Anne Romanoff, humoriste française. 1966, naissance de Jason Fleming, acteur britannique vu dans Le Transporteur 2, L'étrange histoire de Benjamin Button dans le rôle de Thomas Button, Le choc des titans, X-Men, Le Commencement dans le rôle d'Azazel ou encore Mariage à l'anglaise. 1968, naissance de Will Smith, acteur chanteur américain vu dans Bad Boys 1 et 2 dans le rôle de l'inspecteur Mike Lowrey, rôle qu'il reprendra d'ailleurs dans Bad Boys for Life, sortie prévue pour janvier 2020. Vu dans Independence Day dans le rôle du capitaine Steven Hiller, Men in Black 1, 2 et 3 dans le rôle de l'officier James Darrell Edwards alias l'agent J, Ennemi d'État, Wild Wild West dans le rôle de James West Ali dans le rôle de Mohamed Ali, iRobot, Hitch, expert en séduction dans le rôle d'Alex Hitchens alias Hitch, À la recherche du bonheur, Je suis une légende, Hancock, After Earth, Seul contre tous, Suicide Squad dans le rôle de Floyd Lawton alias Deadshot, Beauté cachée, vu en cette année dans Aladdin dans le rôle du génie, vu dans la série télé Le Prince de Bel-Air bien évidemment dans le rôle de Will Smith, producteur ou producteur exécutif d'iRobot, À la recherche du bonheur, Hancock, Karate Kid ou encore After Earth. 1969, naissance de Catherine Zeta-Jones, actrice britannique vue dans Christophe Colomb, La Découverte, Le Masque de Zorro et La Légende de Zorro dans le rôle d'Elena de la Vega, Haute Voltige, Trafic, Chicago dans le rôle de Velma Kelly, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, Intolérable Cruauté ou encore Ocean's 12 dans le rôle d'Isabelle Lahiri. 1970, naissance de Jean-François Piège, chef de cuisine français. 1977, naissance de Joel Moore, acteur américain vu dans Dodgeball même pas mal, Avatar dans le rôle de Norm Spellman, rôle qu'il reprendra d'ailleurs dans le deuxième et troisième volet dont les sorties sont prévues pour 2021 et 2023. Vu à la télévision dans Boston Public, Lax, Medium, Hawaii 5-0 et Bones dans le rôle de Colin Fisher. 1980, naissance de T.I., chanteur américain dont on écoute tout de suite un extrait du titre Whatever You Like. You know them old sugar daddy, they be tricking, they tell them girls. I said you can have whatever you like. You like. I said you can have whatever you like. You like. Yeah, yeah. Stacks on deck, Patron on ice. And we can pop bottles all night. Baby, you can have whatever you like. You like. I said you can have whatever you like. You like. Yeah. on you. No, it ain't nothing to drop a couple stacks on you. Want it, you can get it, my dear. $5 million home, drop it, as I swear. Yeah, I want your body, need your body, long as you got me. Voilà pour l'extrait de T.I. On continue. 1981, naissance de Van Ancis, acteur américain connu pour son rôle de Luke Grimaldi Snyder dans la série As the World Turns. 1983, naissance de Donald Glover, acteur américain vu dans Seul sur Mars dans le rôle de Rich Purnell, Magic Mike XXL dans le rôle d'André, Spider-Man Homecoming dans le rôle d'Aaron Davis alias Le Rodeur, vu dans la série télé Community dans le rôle de Troy Barnes, et il est la voix originale du personnage de Simba dans Le Roi Lion sorti cette année. 1986, naissance de Steve Forrest, musicien américain, batteur du groupe Placebo entre 2008 et 2015. 1991, naissance d'Amy Clark, actrice américaine connue pour son rôle de Julie Tiger dans la série Monk. 1992, naissance d'Anthony Sonigo, acteur français vu dans Les Beaux Gosses, Radio Star, la série télé Famille d'accueil ou encore 10%. En 2008, décédé Michel Modo, acteur humoriste français connu pour son rôle de Berlico dans Le Gendarme de Saint-Tropez, Le Gendarme à New York, Le Gendarme se Marie, Le Gendarme en balade, Le Gendarme et les extraterrestres, Le Gendarme et les gendarmettes, vu aussi dans Le Corneau, La Grande Vadrouille, On a retrouvé la 7ème compagnie, L'Avare, La Gloire de mon père ou encore Le Château de ma mère dans le rôle du facteur. Allez, avant de s'écouter Will Smith, on fait un point sur les sorties ciné. On commence tout de suite avec Au nom de la terre, un drame d'Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Vers les Bétaines ou encore Anthony Bajon. Autre film, Rambo Last Blood, film d'action d'Adrian Grunberg avec Sylvester Stallone, Paz Vega ou encore Sergio Peris Mancheta. Autre film, Dotonabe, drame historique. C'est le film inspiré de la série du même nom, réalisé par Michael Engler avec Michel Dockery, Hugh Bonneville ou encore Maggie Smith. Autre film, Le Dindon, comédie de Jalil Lesper avec Danny Boone, Guillaume Gallienne ou encore Alice Paul. Autre film, Ceux qui travaillent, un drame d'Antoine Reusbach avec Olivier Gourmet, Adèle Beauchaté ou encore Luca Minella. Et on termine avec un film d'animation de Philippe Leclerc intitulé La Reine Soleil. Allez, tout de suite, on s'écoute Will Smith avec le titre Men in Black. In black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, M.I.B., means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk a shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the M.I.B.'s is at. The night on the horizon, bright light into sight tight. Camera zoom on the impending doom. But then like boom, black suits fill the room up with the quickness, talk with the witnesses. Hypnotizer, normalizer. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean? Or see a noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us with fear. Send my bees freezing up all the flag. What that stand for? Men in black. The men in black. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. Uh-huh. this in closing. I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Men in Black, interprété par Will Smith sur le 107 FM, un peu plus de 8h52, on fait un point météo. La météo. Comme je vous le disais en début d'émission, on va passer la journée sous la pluie. Alors peut-être une bonne journée pour aller au cinéma. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés ce matin, entre 15 et 17 degrés cet après-midi. S'il y a quelques petites accalmies, vous pourrez peut-être faire un tour à la fête d'Épinal. En plus, cet après-midi, il y a les Transformers qui seront donc à la fête de la Saint-Maurice. Jeudi, on passera la journée sous la pluie. Des températures comprises entre 12 et 13 degrés ce matin, entre 16 et 18 degrés. Et cet après-midi, vendredi, de la pluie également, des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 17 et 18 degrés prévues pour vendredi après-midi. Allez, tout de suite un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Volley championnat d'Europe et la France a battu l'Italie hier soir 3-7, 1-0. Direction Paris pour nos Bleus et la demi-finale ce sera vendredi contre la Serbie. En basket en National 1, le Jet Vosges s'est imposé hier soir face à Besançon 93-57. En football en Ligue 1, Dijon et Marseille ont fait match nul 0 partout. Première victoire pour Monaco 3-1 face à Nice. Aujourd'hui Brest affronte Lyon, Lille, Strasbourg, Nantes, Rennes, Saint-Etienne, Metz, Toulouse, Angers, Amiens, Bordeaux, Montpellier, Nîmes et enfin le Paris Saint-Germain affronte Reims. On termine avec du tennis à Ouagne. Il n'y a plus de Françaises en compétition après l'élimination hier de Caroline Garcia en 3-7 face à Barty, 4-6, 6-4, 6-1. À Tashkent, Parmentier s'est imposée en 2-7 face à Krunic, 6-1, 6-2. Elle affrontera aujourd'hui Babos. Et à Zouai, en ce moment, Louis Capouille est en train d'affronter et un petit peu plus tard, mon fils affrontera Nori. Voilà pour l'actualité. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec le groupe Placebo et leur titre Too Many Friends. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away on the Champs-Élysées. As I was walking home, this is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never meet, and I'll never. Like a needle in people do all day is stare into a phone. I got too many friends, too many people that I'll never meet, and I'll never be there for. I'll never be there for, 'cause I'll never be there. Placebo avec le titre Too Many Friends sur RGM. 8h58, passé de quelques secondes. C'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, on fait un petit point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 10h, ce sera les Gems avec l'IME de Saint-Amé. 11h30, à la rencontre d'auteurs. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou. 16h, le retour de 90 minutes pour Boomerang. 20h, Nothing But The Blues. 21h, la Big Antenne avec Big V. Et nous, eh bien, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.